Bonjour tout le monde, je me présente. Je suis un clown triste, on dit que la vie est rose avec moi. Mais moi je la trouve grise, je recouvre mes peines de rire. Parfois je retrouve des graines de vie, mais le spleen ressort ses griffes le soir. Elle traite, m'enfreine, mes crises. L'histoire se répète la journée face aux malades. Et la nuit reflète des tas de pensées qui m'accablent. Des projets que j'ai vu rater, des personnes que j'ai pu croiser. Y'a bien une raison que je sois blasé, des remords que j'ai cru froisser. Mes nuits sont vides comme mes yeux, que mes regrets étant écarquillés. Entre l'allégresse et moi, je crois qu'il y a un écart qui naît. Je suis perdu entre le colérique et le pitre. Je suis ce type que tu vois, moitié pessimiste, moitié lunatique. Et je me noie dans un caractère que j'en deviens mystérieux. Je me renferme dans ma bulle et je crois que je commence à m'y faire vieux. Je suis à l'étroit et allé trop loin dans ma solitude. L'altruiste en moi est mort car même une trahison peut solitude. On s'appuie sur notre passé pour éclairer notre avenir. Donc je ne vais pas changer de livre, je vais juste me mettre à le relire. Dans les fissures de mes souvenirs, mes regrets s'emboutissent. J'amincis mon indignation en nourrissant le je m'en foutisse. Tout le monde est capable de tout, il suffit d'envisager le pire. Mais peu de gens valent le coup, même si l'envie de venger les rires peut m'encourager à mordre. Je sais que les moqueries sont un masque et les personnes qui le portent sont renfermées dans leur casque. Donc je balaye devant ma porte et je fais en sorte que rien ne s'échappe. Le silence me réconforte, mais mon cœur porte quelques écharpes. Et lorsque l'amour se fait sentir, je crois que c'est là qu'on l'enterre et qu'on l'enferme pour ne pas sortir. Et à vrai dire, pour moi c'est volontaire. On a tous peur de finir seul, alors on s'engage ou on s'accroche. C'est vrai que le temps passe vite et que les premières rites s'approchent. On devient moins sélectif et c'est les petits refs qui construisent. Si la vie t'a planté ses griffes, prends la fuite, peu importe qu'on te suive. Ne te retourne pas, même si les vautours parlent. Observe autour de toi, ils ramasseront, c'est juste que leur tour tarde. Même si vos pommettes sont en contact, pour être honnête, les gens parlent dans ton dos sans cesse, sans vraiment te connaître. Se prétendent être des collègues, tirent des vieux plans sur ta comète. Si tu sollicites leur aide, personne ne répond à ta sonnette. On a des problèmes d'égo triste, on vit dans un monde égoïste, alors qu'on est le dernier maillon de la chaîne. Terrorisme, oui, notre quotidien nous achève, mais la fiche de paye nous achète. On s'en fout tant qu'on peut remplir notre livret à en cachette. On pense à soi d'abord, faut être franc, on pense pareil. Comme tout le monde, au début, y'a que nos qualités qu'on laisse transparaître. Même si le masque tombe, il reste une face cachée. C'est mon cahier, mais j'ai honte, donc je n'aborde pas les pages cachées. Je laisse mes faux pas se casser. Comme tout le monde, je reste muet sur mes fautes graves passées. L'enfant, moi, je veux restituer. Redonne-moi l'innocence que j'avais sur les bancs de l'école. Oui, je préfère l'ignorance qu'on avait tous à la grande époque. Je tourne tout à la dérision, je parle de la mort sous le ton de la plaisanterie. Ceux qui me connaissent savent qu'hier je pleurais, mais à présent je ris. Mais à présent je ris. Mais à présent je ris.